direction, de choisir sa voie dans un long tunnel sombre. J'assume mes fautes, pas ceux et celles qui préfèrent fuir. Y'a que tout là-haut que mon ciel peut s'éclaircir. Combien stagne en entendant certains signes. Mais quand la poisse revient toujours, c'est un cycle. Je travaille mes morceaux, je te livre ma part d'ombre. Je travaille mon fardeau, au moindre écart, je tombe. Je protège pas mes arrières en faisant des tractions. Comment avoir les idées claires en faisant que des tractions. Éloigner tous leurs strass et paillettes. Je vais témoigner qu'ici la grâce te laisse pas de miettes. Elle est si belle, mais c'est la faute à mon ivresse. Et les promesses qui nous entourent, je crois plus en elles. Pour soigner ces blessures, suffit pas d'Anzablast. Les crocs, je les ai toujours, appelle-moi Lion de l'Atlas. Suffit de dire de la merde pour que le public t'acclame. T'es devenu stupide depuis que tu deal de la cam. Au compte en banque, tu pourrais l'appeler ce que les torts. Mais bon, je m'en branle car l'important, c'est ce que j'ai dedans. Elle sera jugée à la rondeur de ses formes. Car on ne juge plus sur la valeur de l'effort. Faut se construire, mais je n'ai pas toujours les bases. J'ai dû s'unir en se tirant dans les pattes. Je voulais te dire, mais je trouve pas toujours les phases. Qu'on ne va pas se refaire juste avec un carré d'as. Ça prend des snaps avant d'apprendre à se connaître. Y'a que ceux qui datent qui sont devenus des vrais collègues. Le temps passe vite, de l'eau a coulé sous les ponts. 2024, l'OTAN peut crouler sous les bombes. Je découpe la prod, tu peux même croire que j'ai pris une lame. L'impact d'une larme fait plus de mal que celle d'une balle. À bas prix, ça vend du rêve, mais je crois que c'est pas rentable. Car dans la rue, ça baisse ta mère sans accord parental. Alors on boit pour oublier les soucis d'hier. Je pourrais céder sur un coup de tête comme l'arcade sourcilière. La vie, on en a qu'une, alors apprécie-la. Au compas, c'est lacune, apprécie-la. Ils voudraient dominer nos sentiments, allergiques à ces médisants. J'espère que tu seras là si je dois recantiner. La routine sur le continent, comme Poutine, je suis en confinement. Je tire un trait sur ces gens qui mentent. On refuse de vieillir, c'est enfantin. Mais au final, les risques se voient sous un fond de teint. Le bien, le mal, c'est pas simple de choisir son camp. Quand au final, même un vaccin salit ton sang. Ça se fait la guerre pour trois fois, rien, c'est pathétique. Moi, je fais des pertes comme si j'avais un paquet de fric. Et là, si moi, je brasse, c'est dans des flaques de sang. Pour que ma face se dégrade, j'ai pas besoin de Jack de Sange. Pourquoi mes vœux finissent tous par être déboutés. Y'a que les rageux qui te jalousent d'être écoutés. Les ailes brisées, impossible de décoller. Moi je reste collé à mon père comme toutes ces paires sur ton collier. Faut voir le bonheur en grand, pas dans une petite, c'est rien. Les valeurs sont dans le cœur et tout le reste c'est rien. A trop jouer avec le feu, bah c'est la terre qui brûle. Je viens te surprendre comme un coup franc à la dernière minute. On refuse de vieillir, c'est enfantin. Mais au final les risques se voient sous un fond de teint. Le bien, le mal, c'est pas simple de choisir son camp. Quand au final même un vaccin salit ton sang. Ça se fait la guerre pour trois fois rien, c'est pathétique. Moi je fais des pertes comme si j'avais un paquet de fric. Et là si moi je brasse c'est dans des flaques de sang. Pour que ma face se dégrade j'ai pas besoin de Jack de Sange.